quatre coins des continents. Les avions bleus arriveront. Bastia, garde bien le ballon. Bastia, garde bien le ballon. Forza, Bastia, forza. Forza, Bastia, forza. Forza, Bastia, forza. Allez, Bastia, allez. Bastia, pour toi, nous serons là. Du Brésil ou de Calcutta. Quand l'avion bleu se posera, Bastia, nous chanterons pour toi. Bastia, nous chanterons pour toi. Forza, Bastia, forza. Forza, Bastia, forza. Forza, Bastia, forza. Allez, Bastia, allez. Pendant longtemps, on parlera des bleus bastiais, de leurs exploits. Car sans complexe vous jouez, impossible n'est pas bastier. Impossible n'est pas bastier.